El silencio acoge al sonido. El sonido es música. El sonido ondea en nuestros oídos y nos acuna en su seno. El sonido, vibrando, nos inunda como una ola y nos devuelve a nosotros mismos. El sonido es respiro. El sonido nos trae ecos de versos lejanos de nuestra infancia y se vuelve dulce. Porte del hotel, avec tu plante verte, verte qui jamais ne porteront de fleurs. Où sont mes fruits, où mes plantes? Porte del hotel, un ange devant toi, distribuant de prospectus. On n'a jamais si bien défendu la vertu. Donne-moi pour toujours une chambre à la semaine. Ange barbu, c'était en réalité un poète lyrique d'Allemagne qui voulait connaître Paris. Vous connaissez de son pavé ses rois sur lesquels votre dimanche à Garcher. Il fait un peloux et vos cheveux sont longs. Au bon petit poète, on pépette et trop blanc. Vos cires sont